Sans doute l'amitié qui a égard aux individus est une chose frivole, et la lecture est une amitié. Mais du moins c'est une amitié sincère, et le fait qu'elle s'adresse à un mort, à un absent, lui donne quelque chose de désintéressé, de presque touchant. C'est de plus une amitié débarrassée de tout ce qui fait la laideur des autres. Comme nous ne sommes pas tous, tant que nous sommes, que des morts qui ne le sont pas encore entrés en fonction, toutes ces politesses, toutes ces salutations dans le vestibule que nous appelons déférence, gratitude, dévouement, et où nous mêlons tant de mensonges, sont stériles et fatigantes. De plus, dès les premières relations de sympathie, d'admiration, de reconnaissance, les premières paroles que nous prononçons, les premières lettres que nous écrivons, tissent autour de nous les premiers fils d'une toile d'habitude, d'une véritable manière d'être dont nous ne pouvons plus nous débarrasser dans les amitiés suivantes, sans compter que pendant ce temps-là, les paroles excessives que nous avons prononcées restent comme des lettres de change que nous devons payer ou que nous paierons plus tard, plus cher encore, toute notre vie, des remords de les avoir laissés protester. Dans la lecture, l'amitié est soudain ramenée à sa pureté première. Avec les livres, pas d'amabilité. Ces amis-là, si nous passons la soirée avec eux, c'est vraiment que nous en avons envie. Eux, du moins, nous ne les quittons souvent qu'à regret. Et quand nous les avons quittés, aucune de ces pensées qui gâtent l'amitié, qu'ont-ils pensé de nous? N'avons-nous pas manqué de tact? Avons-nous plu? Et la peur d'être oublié pour tel autre? Toutes ces agitations de l'amitié expirent au seuil de cette amitié pure et calme qu'est la lecture. Pas de déférence non plus. Nous ne rions de ce que dit Molière que dans la mesure exacte où nous le trouvons drôle. Quand il nous ennuie, nous n'avons pas peur d'avoir l'air ennuyé, et quand nous avons décidément assez d'être avec lui, nous le remettons à sa place aussi brusquement que s'il n'était ni génial ni célèbre. L'atmosphère de cette pure amitié est le silence, plus pur que la parole. Car nous parlons pour les autres, mais nous nous taisons pour nous-mêmes. Aussi le silence ne porte pas, comme la parole, la trace de nos défauts, de nos grimaces. Il est pur, il est vraiment une atmosphère. Entre la pensée de l'auteur et la nôtre, il n'interpose pas ces éléments irréductibles, réfractaires à la pensée de nos égoïsmes différents. Le langage même du livre est pur, si le livre mérite ce nom, rendu transparent par la pensée de l'auteur qui en a retiré tout ce qui n'était pas elle-même, jusqu'à y laisser voir son image fidèle. Chaque phrase, au fond, ressemblant aux autres, car toutes sont dites par l'inflexion unique d'une personnalité, de là une sorte de continuité que les rapports de la vie et ce qu'ils mêlent à la pensée d'éléments qui lui sont étrangers excluent, et qui permet très vite de suivre la ligne même de la pensée de l'auteur, les traits de sa physionomie qui se reflètent dans ce calme miroir. Nous savons nous plaire aux traits de chaque tour à tour, sans avoir besoin qu'ils soient admirables, car c'est un grand plaisir pour l'esprit de distinguer au fond du langage ces peintures profondes et d'aimer d'une amitié sans égoïsme, sans phrase, comme en soi-même. Un Gautier, simple, bon, garçon plein de goût. Cela nous amuse de penser qu'on a pu le considérer comme l'image de la perfection dans l'arbre. Nous plaît ainsi, nous ne nous exagérons pas sa puissance spirituelle. Et dans son voyage en Espagne, où chaque phrase, sans qu'il s'en doute, accentue et poursuit le trait final de grâce et de gaieté de sa personnalité, les mots se rangeant d'eux-mêmes pour la dessiner, parce que c'est elle qui les a choisis et disposés dans leur ordre, nous ne pouvons nous empêcher de trouver bien loin d'un art véritable cette obligation à laquelle il croit devoir s'astreindre de ne pas laisser passer une seule forme sans la décrire entièrement, en l'accompagnant d'une comparaison qui, n'étant d'aucune impression agréable et forte, ne nous charme nullement. Nous ne pouvons qu'accuser la pitoyable sécheresse de son imagination quand il compare la campagne avec ses cultures variées à ses cartes de tailleur où sont collés les échantillons de pantalons et de gilets, et quand il dit que de Paris à Angoulême, il n'y a rien à admirer. Et nous sourions de ce gothique fervent qui n'a même pas pris la peine d'aller à Chartres visiter la cathédrale. Mais quelle bonne humeur, quel goût! Comme nous le suivons volontiers dans ses aventures, ce compagnon plein d'entrain, il est si sympathique que tout autour de lui nous le devient. Et après les quelques jours qu'il a passés auprès du commandant le barbier de Tinan, retenu par la tempête à bord de son beau vaisseau, étincelant comme de l'or, nous sommes tristes qu'il ne nous dise plus un mot de ce marin aimable et nous le fasse quitter pour toujours sans nous apprendre ce qu'il est devenu. Nous sentons bien que sa gaieté hableuse et ses mélancolies aussi sont chez lui habitude un peu débraillée de journaliste. Mais nous lui passons tout cela. Nous faisons ce qu'il veut. Nous nous amusons quand il rentre trempé jusqu'aux os, mourant de faim et de sommeil, et nous nous affligeons quand il récapitule avec une tristesse de feuilletoniste les hommes de sa génération morts avant l'heure. Nous nous disions à propos de lui que si ces phrases désignent sa physionomie, c'est sans qu'il s'en doute. C'est que les mots sont choisis, non par notre pensée, selon les affinités de son essence, mais par notre désir de nous peindre. Il représente ce désir et ne nous représente pas. Fromentin, Musset, malgré tous leurs dons, parce qu'ils ont voulu laisser leur portrait à la postérité, n'en ont donné qu'un fort médiocre. Encore nous intéresse-t-il infiniment, même par cet échec si instructif. De sorte que, quand les livres ne sont pas les miroirs d'une individualité puissante, ils sont les miroirs de défauts curieux de l'esprit. Penchés sur un livre de Fromentin et sur un livre de Musset, nous apercevons au fond du premier ce qu'il y a de court et de niais, dans une certaine distinction, et au fond du second, ce qu'il y a de vide dans l'éloquence. Si le goût des livres croît avec l'intelligence, ses dangers, nous l'avons vu, 10 minutes avec elle. Un esprit original sait subordonner la lecture à son activité personnelle. Elle n'est plus pour lui que la plus noble des distractions, la plus ennoblissante surtout, car seule la lecture et le savoir donnent les belles manières de l'esprit. La puissance de notre sensibilité, de notre intelligence, nous ne pouvons la développer qu'en nous-mêmes, dans les profondeurs de notre vie spirituelle. Mais c'est dans ce contact avec les autres esprits qu'est la lecture que se fait l'éducation des façons de l'esprit. Les lettrés sont malgré tout comme les gens de qualité de l'intelligence, et ignorer certains livres, certaines particularités de la science littéraire restera toujours, même chez un homme de génie, une marque de roture intellectuelle. La distinction et la noblesse consistent dans l'ordre de la pensée aussi, dans une sorte de franc-maçonnerie d'usage et dans un héritage de tradition. Très vite, dans ce goût et ce divertissement de lire, la préférence des grands écrivains va au livre des anciens. Ceux-mêmes qui parurent à leurs contemporains les plus romantiques ne lisaient guère que les classiques. Dans la conversation de Victor Hugo, quand il parle de ses lectures, ce sont les noms de Molière, d'Horace, d'Ovide, de Régnard qui reviennent le plus souvent. Alphonse Daudet, le moins livresque des écrivains, dont l'œuvre toute de modernité et de vie semble avoir rejeté tout héritage classique, lisait, citait, commentait sans cesse Pascal, Montaigne, Diderot, Tacite. On pourrait presque aller jusqu'à dire, renouvelant peut-être par cette interprétation d'ailleurs toute partielle, la vieille distinction entre classiques et romantiques, que ce sont les publics intelligents bien entendu, qui sont romantiques, tandis que les maîtres, même les maîtres dits romantiques, les maîtres préférés des publics romantiques, sont classiques, remarque qui pourrait s'étendre à tous les arts. Les publics vont entendre la musique de M. Vincent d'Indy, et M. Vincent d'Indy relit celle de Monsigny. Les publics vont aux expositions de M. Vuillard et de Maurice Denis, cependant que ceux-ci vont au Louvre. Cela tient sans doute à ce que cette pensée contemporaine, que les écrivains et les artistes originaux rendent accessible et désirable au public, fait dans une certaine mesure tellement partie d'eux-mêmes qu'une pensée différente les divertit mieux. Elle leur demande, pour qu'ils aillent à elle, plus d'efforts et leur donne aussi plus de plaisir. On aime toujours un peu à sortir de soi, à voyager quand on lit. Mais il est une autre cause à laquelle je préfère, pour finir, attribuer cette prédilection des grands esprits pour les ouvrages anciens. C'est qu'ils n'ont pas seulement pour nous, comme les ouvrages contemporains, la beauté qui sut mettre l'esprit qui les créa. Ils en reçoivent une autre plus émouvante encore, de ce que leur matière même, j'entends la langue où ils furent écrits, est comme un miroir de vie. Un peu du bonheur qu'on éprouve à se promener dans une ville comme Beaune, qui garde intact son hôpital du XVe siècle, avec son puits, son lavoir, sa voûte de charpente, lambrissée et peinte, son toit à pignons percé de lucarnes que couronnent de légers épis en plomb martelé. Toutes ces choses qu'une époque, en disparaissant, a comme oubliées là. Toutes ces choses qui n'étaient qu'à elle, puisqu'aucune des époques qui l'ont suivie n'en a vu naître de pareil. On ressent encore un peu de ce bonheur aéré au milieu d'une tragédie de Racine ou d'un volume de Saint-Simon. Car ils contiennent toutes les belles formes de langage aboli qui gardent le souvenir d'usage ou de façon de sentir qui n'existe plus, trace persistante du passé, à quoi rien du présent ne ressemble, et dont le temps, en passant sur elle, a pu seul embellir encore la couleur. Une tragédie de Racine, un volume des mémoires de Saint-Simon, ressemble à de belles choses qui ne se font plus. Le langage dans lequel ils ont été sculptés par de grands artistes, avec une liberté qui en a fait briller la douceur et saillir la force native, nous émeut, comme la vue de certains marbres aujourd'hui inusités qu'employaient les ouvriers d'autrefois. Sans doute, dans tel de ces vieux édifices, la pierre a fidèlement gardé la pensée du sculpteur, mais aussi, grâce au sculpteur, la pierre, d'une espèce aujourd'hui inconnue, nous a été conservée, revêtue de toutes les couleurs qu'il a su tirer d'elle, faire apparaître, harmoniser. C'est bien la syntaxe vivante en France au XVIIe siècle, et en elle des coutumes et un tour de pensée disparu que nous aimons à trouver dans les vers de Racine. Ce sont les formes mêmes de cette syntaxe, mises à nu, respectées, embellies par son ciseau si franc et si délicat, qui nous émeuvent dans ces tours de langage familiers jusqu'à la singularité et jusqu'à l'audace, et dont nous voyons dans les morceaux les plus doux et les plus tendres passer comme un trait rapide ou revenir en arrière en belle brisée le brusque dessin. Ce sont ces formes révolues, prises à même la vie du passé, que nous allons visiter dans l'œuvre de Racine, comme dans une cité ancienne et demeurée intacte. Nous éprouvons devant elles la même émotion que devant ces formes révolues, elles aussi, de l'architecture, que nous ne pouvons plus admirer que dans les rares et magnifiques exemplaires que nous en a légués le passé qui les façonna. Telles que les vieilles enceintes des villes, les donjons et les tours, les baptistères des églises, telles qu'auprès du cloître, dans le petit cimetière qui oublie au soleil, sous ses papillons et ses fleurs, la fontaine funéraire et la lanterne des morts. Bien plus, ce ne sont pas seulement les phrases qui dessinent à nos yeux les formes de l'âme ancienne. Entre les phrases, et je pense à des livres très antiques qui furent d'abord récités, dans l'intervalle qui les sépare, se tient encore aujourd'hui, comme dans un hypogée, un violet, remplissant les interstices, un silence bien des fois séculaire. Souvent, dans l'évangile de Saint Luc, rencontrant les deux points qu'il interrompt avant chacun des morceaux presque en forme de cantique dont il est parsemé, j'ai entendu le silence du fidèle qui venait d'arrêter sa lecture à haute voix pour entonner les versets suivants comme un psaume qui lui rappelait les psaumes plus anciens de la Bible. Ce silence remplissait encore la pause de la phrase qui, s'étant scindée pour l'enclore, avait gardé sa forme, et plus d'une fois, tandis que je lisais, il m'apporta le parfum d'une rose que la brise entrant par la fenêtre ouverte avait répandue dans la salle haute où se tenait l'assemblée qui ne s'était pas évaporée depuis 17 siècles. Que de fois, dans la Divine Comédie, dans Shakespeare, j'ai eu cette impression d'avoir devant moi, inséré dans l'heure présente, actuelle, un peu du passé, cette impression de rêve qu'on ressent à Venise, sur la Piazzetta, devant ces deux colonnes de granit gris et rose qui portent sur leur chapiteau grec l'une le lion de Saint-Marc, l'autre Saint-Théodore foulant aux pieds le crocodile. Belles étrangères venues d'Orient, sur la mer qu'elles regardent au loin et qui vient mourir à leurs pieds, et qui toutes deux, sans comprendre les propos échangés autour d'elles, dans une langue qui n'est pas celle de leur pays, sur cette place publique où brille encore leur sourire distrait, continuent à attarder au milieu de nous leurs jours du XIIe siècle qu'elles intercalent dans notre aujourd'hui. Oui, en pleine place publique, au milieu d'aujourd'hui dont il interrompt à cet endroit l'Empire, un peu du XIIe siècle, du XIIe siècle depuis si longtemps fui, se dresse en un double élan léger de granit rose. Tout autour, les jours actuels, les jours que nous vivons, circulent, se pressent, en bourdonnant autour des colonnes, mais là, brusquement, s'arrêtent, fuient comme des abeilles repoussées, car elles ne sont pas dans le présent, ces hautes et fines enclaves du passé, mais dans un autre temps où il est interdit au présent de pénétrer. Autour des colonnes roses, jaillit vers leurs larges chapiteaux, les jours actuels se pressent et bourdonnent, mais, interposés entre eux, elles les écartent, réservant de toute leur mince épaisseur la place inviolable du passé. Du passé, familièrement surgi au milieu du présent, avec cette couleur un peu irréelle des choses qu'une sorte d'illusion ne fait voir à quelques pas et qui sont en réalité situées à bien des siècles. S'adressant dans tout son aspect un peu trop directement à l'esprit, l'exaltant un peu, comme on ne saurait s'en étonner, de la part du revenant d'un temps enseveli. Pourtant là, au milieu de nous, approchés, coudoyés, palpés, immobiles, au soleil,